C'est le moment de la semaine où on parle avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, on va parler entre autres de conférences qui s'en viennent, mais en premier lieu, tu jettes un regard sur l'intégration du numérique dans les musées européens. Oui, ben en fait, il faut dire que tout est lié à l'intérieur de ça, puisqu'on s'en va vers une conférence qui va s'intéresser en partie à ce sujet-là. Il faut dire aussi, Tania, que c'est une thématique qu'on a abordée un peu l'année dernière lorsqu'on parlait de la 3D et de son intégration en sciences historiques, en histoire de l'art. Et l'idée, dans le fond, qu'à un certain degré, les outils qui sont offerts par le numérique peuvent devenir une espèce de langage commun pour, d'un côté, permettre l'avancement de disciplines, que ce soit histoire de l'art, architecture, archéologie, histoire tout court et le reste, et parallèlement, peuvent aussi venir bonifier l'expérience de visite des spectateurs, des visiteurs dans des musées, dans des institutions culturelles et donc, de ce fait, modifier les manières et les approches à travers lesquelles on peut mettre en valeur le patrimoine, l'art, etc. Parce que jusqu'à récemment, on s'entend que l'essentiel des manières à travers lesquelles le musée ou l'institution pouvait accompagner l'œuvre, ben c'était à travers des audioguides, c'était à travers des publications, c'était à travers des guides, des conférences, mais c'était vraiment de personne à personne avec quelques éléments interposés. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ces institutions-là, justement, intègrent le numérique pour développer les nouveaux outils de prise de contact, notamment pour le jeune public. C'est un pari qui est envisagé, qui est exploré par beaucoup de gens, autant ici qu'en Europe et au-delà. Mais bien entendu, c'est pas un pari non plus qui est toujours gagnant parce que la grande réflexion aujourd'hui qui se fait dans le monde muséal, du moins des échos que j'en ai eu, c'est de savoir justement comment on s'assure de bien faire ça, mais comment on s'assure aussi de le faire de manière à ce que l'outil n'écrase pas l'œuvre, exactement. Ouais. Et donc, le premier réflexe des visiteurs, ce soit pas justement de regarder l'outil et ensuite éventuellement de regarder l'œuvre, mais d'être d'abord happé par l'œuvre et ensuite d'être accompagné par une variété d'autres médiums qui peuvent lui permettre une mise en contexte, une réflexion autour de cette œuvre-là. Alors, en fait, il y a de certains côtés, par exemple, des installations immersives qui sont mises en place au Louvre, notamment depuis juin dernier. On peut se mettre en situation de participer à un repas royal du 18e siècle grâce à un système de projection qui donne l'illusion, en fait, d'être assis autour d'une table. Il y a une douche sonore directionnelle qui fournit des informations sur le déroulé du repas, la fonction des objets, etc., etc. Donc, plutôt que de simplement lire sur le repas, on peut, entre guillemets, vivre le repas. Wow. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre comment ça se passe. Le focus reste sur l'ameublement, mais on est en contact direct avec ce à quoi l'ameublement servait à l'époque, le contexte, etc. Donc ça, c'est un très bel exemple. Des dispositifs comme ça peuvent être assez étonnants. Un autre exemple, en fait, c'est au château de Vincennes. Grâce à des capteurs situés sur les murs, le visiteur, dès qu'il chausse un masque sur les yeux, peut reconstituer l'espace comme il était il y a quelques siècles. Les salles s'animent, reprennent vie comme à l'époque. C'est pratiquement une révolution, dans le fond, dans le contexte de la visite, encore là. Il y a le meuble, l'objet, il y a le contexte, mais on a vraiment une recréation donc de ces lieux-là tels qu'ils étaient et comment ils devaient servir. À l'époque, c'est donc, dans le fond, vraiment une aide précieuse à l'exploration. Mais c'est presque un voyage dans le temps, mais virtuel, mais c'est ce qu'on nous offre. Pratiquement. Et c'est intéressant, en fait. Et parallèlement, il y a aussi tout l'élément de l'accrochage. Par exemple, il y a certains musées, l'Historial de Vendée notamment, on propose aux visiteurs d'embarquer à bord d'un hélicoptère pour un survol virtuel au-dessus du département pour repérer les sites archéologiques. C'est une attraction qui connaît quand même un grand succès, à peu près 80 000 visiteurs l'année dernière de leur côté pour ça seulement. Il y en a d'autres dans lesquels les jeunes font enquête, vont d'étape en étape avec des écrans tactiles, entrent en contact avec les voisins, la bonne, pour procéder à des interrogatoires. Donc là, l'idée, c'est une exposition sur Simenon, donc qui écrivait des romans de détectives. Et donc encore là, on a su intégrer ça, mais vraiment pour favoriser un contact avec l'objet plutôt que d'écraser cet objet-là. Parce que le danger, bien entendu, c'est aussi de transformer les musées en parcs d'attractions, et c'est pas l'objectif, ça ne devrait pas être l'objectif. Il y en a certains, justement, qui disent, mais regardez, si on en fait trop, c'est comme en faire pas assez. Donc, il faut quand même aussi trouver la bonne piste et trouver comment bien la doser à l'intérieur de ce montage, de cette présentation-là. Quand même un beau défi. Il y a dans la promotion aussi que l'histoire est en train de changer, dans la mesure où, bon, comme on l'a vu, d'un côté, l'exposition utilise les outils numériques, mais de l'autre côté, le musée, l'institution peut être en contact plus facilement avec ses visiteurs et avec un contact qui est beaucoup plus régulier. Alors, il y a plusieurs musées qui se questionnent aussi à savoir comment intégrer, comment bien faire les réseaux sociaux, comment bien les utiliser pour, oui, amener les gens à visiter le musée, mais aussi à bonifier l'après-visite, à profiter de cette relation-là qui s'est créée pour la pousser plus loin. Donc, de quelle manière on peut le faire? Ce qu'on dit, c'est qu'on peut donc utiliser les médias sociaux pour prolonger l'expérience sans être obligé physiquement de retourner sur le site. Ça, c'est encore à explorer, évidemment. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que il y a quand même beaucoup de musées qui ont commencé à intégrer les réseaux sociaux. Si on y va avec le terme museum sur un moteur de recherche comme YouTube, par exemple, il y a 550 000 résultats. Des établissements comme le Louvre ont 400 000 fans. Il y a des gens qui sont engagés spécialement pour animer ce type de plateforme-là. Et ça amène un trafic plus grand sur le site même des institutions, le site web, bien entendu. On peut imaginer, j'ai pas les chiffres pour appuyer cette thèse-là, mais que ça a ou ça aura une incidence aussi sur les visites. Donc, l'idée étant de rendre l'institution accessible et peut-être justement de montrer que ben, c'est le fun, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une relation qui est facile aussi à créer entre le visiteur et l'institution. Alors ça serait intéressant de voir comment ça va se développer. Bien entendu, en fait, la grande question, c'est aussi les droits, puisqu'il y a des œuvres. Ces œuvres-là, ben, si on décide de les exposer, il y a certains droits qui reviennent soit au musée, soit si c'est des emprunts à d'autres institutions, à d'autres groupes, à des collections, etc. Donc, il y a quand même aussi certaines difficultés administratif, pourrait-on dire. Parce qu'il y en a qu'on n'a même pas le droit de photographier. Exactement. Donc il y a à voir là-dessus. Mais ce serait intéressant de suivre tout ça. Et bien entendu, ensuite, il y a la question du financement qui, évidemment, est aussi une difficulté. Donc, pour développer ça de manière adéquate, il faut avoir les moyens. Ça, il y a des réflexions aussi autour de tout ça. Donc, des nouveaux modes de financement, des nouveaux modes de présentation et, à certains égards, des nouveaux modes aussi d'organisation, puisque certains musées européens mentionnent qu'eux doivent justement redéfinir un peu l'organisation de leur équipe de travail, les évolutions technologiques qui impliquent presque automatiquement une réorganisation. Tout devient beaucoup plus transversal. Les musées sont des éditeurs, des diffuseurs, et à travers la valorisation de leur contenu, eux réussissent donc à toucher un public plus vaste en les mettant à la disposition d'enseignants, de parents, des visiteurs tout court, etc. Donc, il y a un va-et-vient qui est en train de se créer, mais qui devra aussi s'accentuer. Et donc, c'est vraiment un marché qui est intéressant à voir se développer, à explorer également. Et évidemment, c'est un marché à l'Université Laval qui a déjà des gens qui s'y intéressent. On en a parlé un peu l'année dernière. On en reparlera à quelques occasions cette année. Et même, Tania, dans une perspective assez proche, dès la semaine prochaine, d'ailleurs, on aura l'occasion d'amorcer cette exploration-là et de voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté de l'Université Laval. Donc, on va en reparler la semaine prochaine. Mais tu nous parles, avant de nous quitter, de conférences qui s'en viennent. Il y en a une, d'ailleurs, le 1er février. Exactement. Et c'est un peu en amont de cette conférence-là que je vous amène un peu sur le terrain de tout ce qui est numérique et sur lequel on reviendra justement la semaine prochaine. C'est une chaire qui s'appelle la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique et qui, eux, dans le fond, s'intéressent aux nouvelles approches, aux nouveaux outils, aux nouvelles perspectives en lien justement avec les nouvelles technologies dans le contexte de mise en valeur du patrimoine. Ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il soit matériel ou immatériel, nécessairement, les nouvelles technologies permettent d'en enrichir justement la présentation. Eux ont développé des applications iPhone, notamment il y en a une qui s'en vient sur le patrimoine immatériel d'un quartier de Québec. Il y a des sites web d'envergure aussi qui ont été développés. Il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui ont été faire un tour sur le projet web d'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. On parle quand même d'un site qui reçoit à peu près 300 000 visiteurs par année. ce qui n'est pas rien, non, qui diffuse 7000 documents multimédia là-dessus aussi. Vraiment une porte d'entrée, justement, pour explorer le patrimoine culturel. C'est une chaire aussi qui a inventorié des milliers d'éléments de patrimoine immatériel au Québec, à l'étranger, qui s'est dotée aussi et a camisé sur des technologies légères pour vraiment faire un travail aussi de terrain. Donc, vraiment une expertise qui est assez unique et on va inviter les gens à venir l'explorer. C'est une conférence à laquelle il y a un coût d'associé parce qu'un dîner d'inclus. Donc, c'est le 1er février de 11h30 à 13h30. Donc, s'il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans le milieu du patrimoine, je pense que ça pourrait clairement les intéresser, ou dans le milieu des technologies, ou des gens intéressés par les technologies, justement, pour voir ce type d'usage, quelle réflexion on a, donc, dans tout ce qui est patrimonial. Alors, je le rappelle, donc, c'est le 1er février prochain. Les informations, évidemment, sont sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Et ça, Tania, c'est dans le cadre d'une série de conférences qu'on présente tout au long du printemps. En fait, c'est nos conférences midi qu'on appelle les Midi Innovation TI. Alors, c'est la première d'une série de quatre. Il y en aura d'autres. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, parce que les sujets sont extrêmement riches. Notamment, le 8 mars, on va s'intéresser aux multiples usages de la 3D, parce qu'on pense souvent, bon, on en a parlé un peu dans un contexte historique patrimonial. On pense aussi beaucoup aux jeux vidéo, mais la 3D est utilisée en santé, est utilisée en sécurité, est utilisée dans le contexte de réalité virtuelle. En fait, il y a un laboratoire à l'Université Laval qui a développé notamment des applications en santé où on peut virtuellement faire des opérations avec des modélisations très, très viables, où on peut réapprendre à conduire avec justement des simulateurs de très bon calibre. Et donc, si on a eu un accident, qu'on a perdu certains usages, pouvoir réapprendre, dans le fond, à utiliser ce médium-là. Donc ça, c'est le 8 mars. Le 19 avril, il y en aura un autre plus axé sur les questions de la santé et l'utilisation des médias sociaux dans le transfert de connaissances. Donc, oui, c'est en santé, mais en même temps, dès qu'on a des connaissances à transférer, ça peut être applicable. Alors, c'est vraiment de découvrir comment on peut utiliser les wikis, les médias sociaux pour échanger les connaissances dans un domaine précis et éviter peut-être justement d'avoir une longue période avant une mise à jour commune, une mise à jour collective de l'information. Et on va terminer le 15 mai cette série-là avec une conférence qui va s'appeler « Mieux comprendre les facteurs humains pour optimiser la performance ». Et ça va être intéressant quand on va revenir là-dessus aussi. C'est un chercheur qui œuvre à l'École de psychologie de l'Université Laval et qui, lui, s'intéresse justement aux équipes de travail, à la manière dont ils fonctionnent et à partir d'une évaluation qui réussit à bonifier l'efficacité de ces équipes-là. Alors, j'en dis pas plus. Je rappelle les informations, de toute façon, pour l'instant, sont sur itis.ulaval.ca. Tout comme les chroniques qu'on fait à tous les lundis, Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine.